Pour audiocité.net, Claude Fay, Sous le manteau. C'est sympa. On parle d'une future pendaison de crémaillère après des travaux de gros œuvres et d'embellissement chez des amis qui se retrouvent autour d'une tasse de thé. Le ton adopté par la maîtresse de maison, un petit phrasé joyeusement embrouillé, amuse les trois épouses en goguette, mais ne produit pas cet effet sur Daisy. Tout est comme ça depuis que l'incompatibilité des agendas biologiques a mis fin à son mariage. Son cœur bat dans le vide. Elle n'est plus comme les autres. Ce constat produit à chaque fois toute une série de malaises. C'est dans cet état d'esprit qu'elle cherche du ciment social. Une adhésivité discrète qui fige les sourires pour qu'ils ne tombent pas. Ça permet une survie de surface et c'est déjà beaucoup. Mais cela ne permet pas de repérer les réceptions où il est impossible d'aller sans mettre ses jours en danger. Ses amis lui offrent des remises en forme, des séances de gym, des clubs de théâtre, toutes ces choses qui l'agrègent et la tiennent dans des groupes. Ses attentions la touchent, mais ne la rassurent pas. Elle craint d'être éjectée. Il arrive que les autres vous fassent savoir que votre présence est une menace, quoi que vous fassiez. Une célibataire dans une réception, c'est non, c'est tout. Contre ce phénomène d'exclusion, l'énergie d'entasser de gros cailloux ou de maçonner des phrases d'une politesse parfaite n'est pas utile. Elle le sait. Elle peut convoquer des souvenirs cruels où elle ne joue pas le second rôle. Elle sait comment ça marche. Elle en a mis dehors des gueux, des êtres vivants qui la suppliaient du regard. Elle a ri des chats et des chiens qu'on chasse des maisons les soirs de pluie. Elle aussi, elle a trouvé ça drôle. C'était avant. Maintenant, elle ferait attention. La détresse, elle connaît. Et depuis qu'elle connaît, elle croit en la profondeur de l'être, au progrès, à l'épanouissement personnel et à tout ce qu'elle trouve de bon dans les conversations. Elle aime ses amis. Sa nouvelle vie se présente bien. Ses enfants sont indépendants, attentionnés. Et puisqu'elle a gardé la maison, elle réfléchit pour bien l'occuper. Mais au fond d'elle, quelque chose lui assure que tout cela n'est pas vrai. Il n'y aura pas de nouvelle vie. Elle ne veut pas de solitude, elle en aura. Elle refuse. Ce n'est pas raisonnable car elle va prendre un risque. Nous sommes quelques semaines après le retour d'un voyage. Daisy s'étonne de ne pas encore avoir revu ses grandes amies. Celles-là même qui lui ont conseillé de partir en vacances. Elle pense à l'une d'elles, qui a une si charmante façon de tenir les mains des autres et de le regarder au fond des yeux en interrogeant ce qu'elle nomme les méandres du cœur. Daisy aime le souvenir de ses manières chics et intenses. Cela lui donne envie d'ouvrir ses fenêtres. C'est dans un de ces moments qu'elle prend la décision d'appeler Suze. « Allô, Suze ?» Suze décroche aussitôt et répond empressée. « Ah, oui, tu sais, je vais faire des cours cet après-midi pour ce soir. Je ne peux pas rester au téléphone. À plus tard si tu veux bien. » Daisy la remercie et reconnecte aussitôt avec la crémaillère, avec le projet de la crémaillère. Toute la journée, elle se sent impatiente jusqu'au désœuvrement. À 20h, elle est déjà là à sonner la porte, enthousiaste comme une gamine. On la fait entrer. Tout est comme d'habitude. Elle sait que bientôt les premiers couples feront leur petit tour sur la terrasse. De là, la vue est apaisante. Daisy s'en approche avec délectation quand elle aperçoit Suze qui fait des grands gestes à la porte de la cuisine. Elle hésite un instant avant d'aller vers elle. Cette hésitation provient du tablier de cuisine que Suze porte. Daisy trouve amusant qu'elle oublie de l'ôter. D'ailleurs, elle ne l'enlève toujours pas. « Tu m'excuses, j'ai du monde tout à l'heure, » lui dit-elle poliment. « Je t'embrasse, » répond Daisy, en donnant un bouquet qui est aussitôt déposé sur une desserte. « Absolument, tout va bien pour moi à toute allure, comme tu le vois, mais dans le bon sens. Je ne te retiens pas, on s'appelle. » Elle la guide gentiment mais fermement vers la porte et ajoute les yeux fermés « Tu m'excuses !» Daisy n'a plus que la liberté de porter son enthousiasme ailleurs et de disparaître avec le visage de son choix. Elle est suffisamment formatée pour savoir qu'un sourire est attendu. Mais sentir les mains de son amie lui tomber dans le dos et la pousser vers la sortie a réveillé en elle des drôles de trucs qui prennent subitement le pouvoir. D'abord, dans un réflexe animal, elle freine des quatre fers. Mais Suze la traîne sur le sol. Alors elle réussit à s'accrocher au bras d'un fauteuil. Mais de ce geste désespéré et surtout tout à fait inesthétique, naît un fou rire. Un rire qui l'emporte, un rire qui lui donne des airs de sauvageonne, des grands airs qui la font rire. Bientôt, tout son corps est occupé à se ventiler bruyamment et elle semble totalement inaccessible. « Ma soirée !» se désole la maîtresse de maison. Le fou rire est un phénomène qui a fait couler trop peu d'encre dans les manuels de savoir-vivre. Que faire ? Ce n'est pas un gros rire qui lâche un non-dit. C'est plutôt une marmite qui explose sous la pression de sensations et de sentiments accumulés et disperse une excitation qui risque bien de s'amuser d'elle-même. On voit bien que ça va durer. Il n'y a personne pour envelopper ça. Tom, le mari de Suze, est occupé avec les cocktails. Ce n'est pas le moment de le déranger. Il va falloir faire vite. Suze attrape un bras et réussit à le décrocher du fauteuil et à pousser son ami de toutes ses forces sous une table comme on planque un objet scandaleux. Après quoi, elle galope vers la cuisine en jetant de rage son tablier sur place. Elle pense probablement qu'elle va se relever et disparaître. On n'a pas besoin de donner d'explication à une femme qui n'a plus de mari. La camériste, louée pour la soirée, n'ose pas regarder la femme par terre qui rit, s'étouffe même. Elle est à la porte d'entrée. Ça sonne de nouveau. « Madame !» crie l'employé. « Si c'est le même genre, je fais quoi ?» En furie, madame revient. Elle se jette sur la femme du maire, qu'elle couvre de compliments, tout en assassinant du regard son employé du soir. Elle enveloppe par les épaules son invité, prévient plaisamment que cette femme qui est par terre est indisposée, mais vraiment rien de grave. « Est-ce possible ?» demande la femme, qu'on dirige plus loin. Personne ne répond. Ça sonne encore. Petit à petit, les convives arrivent par deux, gracieux. Daisy rit toujours. Elle a rampé. Elle n'est plus sous la table. Elle est bien visible, mais personne ne s'approche d'elle, même par inadvertance. Suze profite de cette invisibilité de convenance pour jeter un premier verre d'eau. La satisfaction de voir qu'elle a parfaitement atteint sa cible et qu'aucune goutte n'est allée se perdre en dehors de ce visage répugnant lui redonne espoir et elle fait un second voyage. Puis un autre. Peine perdue. Alors surmontant l'effet produit par les éructations, les bruits intestinaux, les piaffements, Suze réussit à articuler. « Une flûte de champagne, ça te calmerait ?» Elle n'a pas de réponse. Dégoûtée, elle empoigne le manteau de Daisy et la recouvre avec. Le rire demeure intact, grossier même. Sous cette tente, le tas se débat et rit. Rit en répétant quelque chose qui ressemble à « flûte, flûte, flûte ». La plaisanterie, si c'en est une, tombe à plat. Cela relance le rire de plus belle. Un des invités s'approche et s'étonne. Quelqu'un veut du champagne ? Suze tend le cou très gentiment vers cet homme délicat. Elle est doublée par Daisy qui s'apprête à sortir de dessous de la table. Alors dans la panique, Suze, qui ne veut pas qu'il y ait de contact entre cette femme célibataire et son amie, s'interpose. Avec un large sourire, elle dit « Tu veux que notre amie t'apporte une flûte ?» Mais l'amie a déjà tourné les talons. Alors Suze recouvre cette tête ricanante qui lui fait horreur et a l'idée d'approcher deux fauteuils pour la dissimuler. Un nouvel invité passe par là et demande « Il y a un souci ? Si tu veux bien aller dire à Tom que j'arrive, il doit être sur la terrasse, je pense. » Car le fou rire a modifié la répartition des invités, sans pour autant susciter de commentaires, mais tous s'attardent sur la terrasse. Il fait doux, mais quand même. Ce rire de folle, de bête, c'est répugnant à supporter. On détourne le regard comme devant une cicatrice trop fraîche. Il se perçoit dans cette voix une fêlure, quelque chose de vieux. Ce n'est plus une jeune femme. Elle gâche la soirée, cette vieille. Sagace Suze, qui, déterminée à sauver sa réception, se rue brutalement sur le tas. Elle ressent une surprise. Le fin toucher du manteau fonctionne comme une autorisation. C'est feutré, c'est doux. Elle a raison. Ce n'est pas gordien. Daisy dégagera. Une femme célibataire, de toute façon, ça fout en l'air le plan de table, même pour un buffet. Cette sotte hoquette pour le moment, sous son paletot, mais que voit-elle là-dessous ? Imagine-t-elle ce qui va lui arriver ? Suze est à califourchon sur ce tas, qui a le statut d'un animal dont le sacrifice est nécessaire. Pourtant, elle sait qu'elle devrait être en train de circuler dans sa maison et de féconder toutes les conversations de ses idées amusantes. Mais elle ne veut pas lâcher. Elle a entendu sous elle comme un petit craquement, comme lorsqu'on désosse une volaille. Elle appuie de tout son poids, en rattachant ses propres cheveux. Que le plaisir s'en mêle, c'est une chose, mais ne devrait-elle pas rester un peu froide, s'en tenir là ? Si elle tendait l'oreille, elle se rendrait compte qu'il n'y a plus de rire. Elle pourrait lâcher. Mais cette femme sous le manteau, c'est un peu toutes les rivales. C'est difficile de s'arrêter. Tout le monde peut comprendre ça. On a toujours une revanche à prendre. Elle serre encore une fois les cuisses, il n'y a aucun craquement. Il n'y a plus, comme tout à l'heure, la résistance sans force d'un corps exsangue qui cherche sa respiration. C'est différent. Elle se redresse, elle s'époussette, elle entend Tom qui l'appelle, elle va vite vers lui. « Je vous présente ma femme, Suze, monsieur le professeur. »« Ah, enchantée !» articule le professeur. Et c'est parti pour d'autres hommages. Elle rit du temps qu'elle rattrape après cette occupation pénible. Il faudra qu'elle y retourne tout à l'heure régler quelques détails, mais... Y a-t-il assez de champagne ? Est-il suffisamment frais ? La soirée s'est achevée dans une belle légèreté. C'était très réussi. On a juste oublié de se réjouir de la réfection du salon de l'entrée, car toute l'attention s'est centrée sur les travaux extérieurs. Mais c'était une très belle soirée. Après une aussi bonne soirée, se retrouver pour un enterrement, c'est brutal. Daisy vivait une passe difficile, mais comment imaginer qu'elle puisse venir se suicider chez les autres en se cachant sous son manteau ? Ça dépasse l'entendement. Quelle balourdise, ce vide de sens et de valeur. D'ailleurs, pourquoi un suicide ? Commente in petto Suze, qui prend très au sérieux la situation. Il faut reconnaître les faits. Ce qui est sûr, c'est que parmi les invités, personne n'aurait fait ça. Dans notre cercle d'amis, nous nous respectons. Et le respect, cela commence par soi-même.